Les trains, ben les savitiens, le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, vous paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met à l'envers, et notre bonheur nous souffle pour pas faire. La gueule est belle, dans la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. À ce dimanche, au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Venez des gens cafardeux qui tout le temps sont des cheveux et rêvent d'enfiler ailleurs dans un monde meilleur. Qui dépensent des temps d'oseille pour découvrir des merveilles. Pas moins qu'à peine au cœur, car il n'y a pas besoin de trouver un coin où l'on se trouve bien, de chercher si loin. Tous ensemble on fait du boudin, on s'habille, on a pas la musique.